verset 3 jusqu'au verset 6. Nombre Thomas. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, et ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Kasi pela moko tomekami na nzambi, peto tinda miete, tosta kula, sambo malamu. Boye toko lebaka, puna kofepele sabato te. Kasi kofepele sa nzambi, mometi na mitema na beso. Nzambi, lakula waedi bina toyei na maleba, kolete na tete, soko tona kojipa, elanae. Voilà, Zambo a joli, mais pas ton libéré. Tonki, le sang joli n'est pas une abattante. Soko n'est pas une abinante. Soko n'est pas une abattante sous-souté. Attaque bandit, qu'on s'en a carburoko, le quoi, bantoma, na Christo. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 et 2. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai apporté. Autrement, vous auriez cru en vain. Bojali na ina kwa simba sanga malamu ngoi. Pela mako ilakisa kingai bolo. Soko te bondeli bobele mpamba. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambia pambola. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à la table du Seigneur. Oui, malamu na mesankolo. Dans la maison de Dieu. Kati na ndako na Zambi. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Na Zambi za langu na makoro makoro binu. Et que l'esprit de vérité nous soutienne. Nous voulons vaincre comme Jésus-Christ avait vaincu. La bataille chrétienne est un long chemin qui a commencé il y a des siècles et va s'achever bientôt. Quand le Seigneur revient, il va conclure la fin de la bataille et les vainqueurs seront couronnés. Et pour vaincre, il faut garder la parole. Il faut garder la parole. Nous devons l'écouter et la prendre. C'est pour ça que nous sommes rassemblés. Et après avoir chanté, prié, la chose la plus importante qui justifie notre présence, c'est l'Évangile. La parole du Seigneur. Et nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 et 2, ce qui ne changera jamais. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé et que vous, vous avez cru et dans lequel vous avez persévéré. Lui a annoncé l'évangile. Il y a eu des gens qui ont cru cet évangile. Ils ne se sont pas arrêtés à croire pour ensuite changer de statut, devenir des ambulants, persévérer. C'est un bon exemple à suivre. Et maintenant il dit, et par lequel. C'est l'une des choses plus importantes dans cet évangile. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez. Dans les termes où je voulais annoncer. Autrement, vous auriez cru en vain. Oh, si vraiment vous en arrivez à ce genre de situation, où le service divin constate que vous avez cru en vain, c'est qu'alors, vous avez persévéré en vain. C'est alors les récompenses que Dieu réserve à ceux qui vont vaincre, vous ne les aurez pas. Mais quelle désillusion que d'avoir travaillé pour le meilleur. Alors faisons tout pour remporter la bataille. L'athlète n'est pas couronné s'il a combattu en dehors de l'air. Paul dit, vous devez garder l'évangile. Dans les termes dans lesquels je voulais annoncer. Ne changez pas les termes. Ne changez pas les termes de l'évangile. Gardez cet évangile-là. Si vous tenez à ce qu'il vous sauve. Par la foi que vous avez en lui, gardez-les dans les mêmes termes que le messager, que l'apôtre du Seigneur, que les prophètes de l'âge les a présents. J'espère que tout le monde me suit attentivement. Et que vous n'êtes pas à l'église pour autre chose. Pour vous distraire, pour somnoler. Vous êtes ici pour l'évangile. Alors s'il vous plaît. Gardez l'évangile dans les termes dans lesquels les prophètes de Dieu. L'apôtre du Seigneur. Le serviteur mandaté. Ce n'est qu'alors que vous allez vous rassurer que notre foi dans cet évangile n'est pas vaine, qu'elle méritera une récompense. Parce qu'il y a des gens qui tournent autour de l'évangile et qui ne croient pas l'évangile, qui ne vivent pas l'évangile et ils tournent autour de l'évangile. Ils viennent à l'église, ils rentrent dans la maison, mais ils ne croient pas l'évangile. Mais ils sont dans les milieux où l'évangile est prêché. Que Dieu nous fasse grâce de ne pas tomber dans cette espèce de gens. Mais à être ces croyants modèles. Ce que nous disons, que nous croyons, nous devons le pratiquer. Parce que si nous n'agissons pas après ce que nous déclarons croire, c'est alors nous n'avons même pas cru. Que Dieu nous aide à être sincères. Oh, ce problème qui a existé autrefois, au temps de l'apôtre Paul, est écrit dans la Bible, parce que des problèmes commencent et ils continuent souvent jusqu'à la fin du temps. Et si rien n'est fait pour stopper cela, pour corriger cela, pour y mettre fin, efficacement, ça va se prolonger pour finir quand tout finira. C'est ça la réalité. Alors la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit dans le Saint-Esprit a été pour notre instruction. Et pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, ça doit nous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux d'autres fois avaient commis. 1 Corinthiens chapitre 10, l'Écriture dit au verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Restez effectivement debout. Et pour rester debout, il faut garder la parole. Et on ne garde pas la parole selon une conception imaginée. On garde la parole dans les termes dans lesquels elle nous a été enseignée. Telle qu'elle nous a été prêchée. Dans les mêmes termes que nous devons la garder. Sans quoi nous tombons comme ça. Hébreux chapitre 2. Verset 1er. Hébreux 2, verset 1. Nous dit quoi? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous nous soyons emportés loin d'elle. Na matambo na silibiso kuweka ete totengwa na nzela kene. Si ceci est écrit, c'est justement parce que vous comprenez que la vie chrétienne est une bataille constante et permanente. Il suffit d'être distrait pour être emporté. Et vous serez amené loin de cela. Qu'il n'en soit pas ici. Dans ton cas à toi, soit du côté de fidèles, conservateur de l'évangile. Sois un conservateur. Une conservatrice. Gardez la parole dans les termes dans lesquels elle nous a été prêchée. Alors, bien chers frères et sœurs, je vais déroger un peu à ma promesse. Le sermon sur la première commission de William Branham finissait là. Le mercredi, nous allons attaquer la deuxième commission. Bon, dans la méditation et la prière, j'ai revenu beaucoup, je dois revenir. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention pour que vous sachiez en tant que croyant du message. Il y a eu des modifications et il y a eu des influences qui ont joué sur les uns et sur les autres pour adopter des modifications dans la commission que Dieu a adressé à son prophète. Et j'aimerais vous donner cela à titre d'information pour que vous soyez équipés et que vous sachiez comment résister aux sollicitations du mensonge. Le mensonge religieux est tellement fascinant, il est tellement populaire, que le plus grand nombre a tendance à l'accepter plus facilement. Mais nous avons dans nos cœurs l'amour de la vérité. Nous combattons pour la vérité, et que la vérité de l'évangile soit maintenue par il faut que cette vérité soit maintenue. Qu'elle reste debout. Qu'elle ne tombe pas à terre. Comme Paul a dit dans Galates chapitre 2. Et versets 3 à 5. Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Parce que tu te vois, à Jalaki Nanga, il y a moins là. À Poussama, tu te dis, c'est à Katama Nanga. Et cela à cause de faux frères. Des faux frères. Qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Des faux frères. Bande Kouna Lokuta. Kasi, à Jalaki Pona, Bande Kouna Lokuta. Bayo bayengeli na nkuku bayengeli pona kononga bosomi bojali na biso kati na Kristo Yesu bacha biso na ombo avec l'intention de nous asservir. L'intention de nous maintenir dans une sorte d'esclavage. Ce sont des frères, mais des faux frères. Ils s'étaient glissés en ces temps-là. Et il y en a également dans les milieux du message. Et si ils sont nombreux. Sachez que ce qui a été, c'est ce qui est. Comme je vous ai dit, si un problème commence dans le temps, et que rien ne fait pour le stopper efficacement, pour y mettre fin de manière définitive, ce problème continuera et ne finira que lorsque la fin de toutes choses arrivera. Et quand toutes choses arriveront à sa fin, ce problème-là arrivera à sa fin. Et là, c'est l'un des problèmes également. Il s'est déclaré depuis ce temps-là dans l'église le fléau de faux frères. Et le Seigneur en est tourmenté jusqu'à présent. Que Dieu nous aide. L'intention de maintenir les enfants de Dieu dans la sérénité. Et on a même regretté Dieu a fait l'homme et l'homme a fait l'esclave. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que l'homme esclavagisse son semblable. Vous avez vu le gouvernement de Belgique, comment le premier ministre aïe des mots pour exprimer sa désolation au sujet de ce qui a été fait contre Patrice Emery Lumumba. Le premier ministre de la République démocratique du Congo. Et il a eu des mots pour déplorer. Le roi de Belge lui-même qui est venu ici. Il avait juste exprimé ses regrets. Mais le premier ministre là-bas en Belgique, quand ils ont fait la cérémonie de présentation, bon, on ne sait même pas ce que cette dent-là, c'est la dent de Lumumba. Rien ne prouve tout ça. Et une vieille dent l'a gardée dans un petit point. Comme si c'était le bouton manchette. Et on va prendre ça, acheter tout un gros cercueil de luxe, mettre les dents, faire des cérémonies. Qu'est-ce qui prouve que c'est ça dans lui? C'est difficile. Dieu nous aide. Alors on a fait ces cérémonies, puis il a dit. Le premier ministre a eu des mots. Six siècles durant. Voilà. Ce que nous avons fait. Elle m'a été assassiné à cause de ses convictions. Et sa fille Juliana qui a pris la parole. Juliana Lumumba. Mais il a en perpétuelle errance. Il ne pouvait avoir aucun repos. Non, ça c'est encore de croyance. Ouais, si quelqu'un n'a pas été enterré dans le monde, c'est une âme qui est en perpétuelle errance. Et non. Branham dit enterrez-moi comme vous voulez. Amen. Même si vous mettiez n'importe comment. Quand Jésus reviendra, et qu'il parlera, je serai là. Heureux dès la présence ceux qui meurent dans les Seigneurs. Car ils vont se reposer et leurs œuvres les suivent. Il n'y a pas à s'inquiéter de la sépulture. Qui serait la preuve que il repose. Le repos ne dépend pas du type de tombe que nous avons. Le repos dépend de la promesse de Dieu qui donne le repos à ses justes. Voilà. Lazare mourut, Luc chapitre 16. Et il fut recueilli par les anges dans le sein d'Abraham. Mais l'homme riche aussi de son côté mourit. Et il fit quoi? Enseveli. Donc pour l'homme riche, on donne l'importance à son ensevelissement. La tombe. Mais pour un fils d'Abraham, on a parlé des anges de Dieu. Et après sa mort, on réveille son âme. Il est allé se reposer. Le repos ne dépend pas du type de tombe. Là, dans Luc 16, on ne vous dit même pas quel genre de tombe avait reçu Lazare. Le repos de Lazare, c'est sans importance. Mais ce qui était important, c'est là où son âme est allée. Et au repos. travaillez pour ça. Ne travaillez pas pour le néant. Travaillez pour un héritage éternel. Dieu vous le réserve dans son royaume. Amen. Amen. Voilà ce qu'il y a. Maintenant, ce frère, ce faux frère, s'était glissé. Introduit secrètement dans l'église pour à servir les enfants de Dieu. Et Paul dit, nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à leurs exigences. Vous devez. Si nous devons pratiquer la parole, elle n'est pas pratiquée à sens unique. Il y a des gens qui sont là seulement à donner les gens aux autres, vous devez faire, vous devez. Et eux ne doivent rien, ils n'ont aucune obligation, non mais eux ont seulement les droits de vous donner les gens. Mais eux ne s'obligent en rien à partir. L'évangile doit être pratiqué partout. Les prédicateurs Nous sommes tous obligés de vivre l'évangile. Est-ce que vous dites amen? Donc personne n'est là pour servir les autres. Comme les pharisiens. Le Seigneur a prononcé la malédiction. Oh là là. Disons ici, on va voir ça un moment. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à leurs exigences. Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Nous voulons maintenir la vérité. Frères, sois combattants pour maintenir la vérité. Ma soeur, sois combattante pour maintenir la vérité. Vous devez maintenir des sentiments humains. Ou des intérêts individuels. Nous devons maintenir la vérité de l'évangile. Et la parole triomphe. Je ne vous entends pas là. Et la parole du Seigneur triomphe. Car le ciel et la terre passeront. Et la parole du Seigneur ne passera jamais. Pour que ne passe jamais, nous sommes faits croyants pour aimer la vérité, soutenir la vérité, maintenir la vérité. Vendre solo punja. Agent à son service. Ici dans Matthieu 23. Verset 1. À 4. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Voilà les esclavagistes. Des scribes et des pharisiens. Il y a Yesu alobaki na bibelo pe na bayekoli na ye ete bakomeli mpe bafarisayo bazali kofanda na kiti na Mose, bongo makambo nyonso makoloba bango na bino bosala yango mpe botosa yango nde bosala mosala bosalaka bango mpe Nzambi bakolobaka nde bakosalaka te. Ils disent, mais ils ne font pas. Donc, accumulant des exigences sur les autres, des exigences que eux-mêmes ne savent pas satisfaire. Verset 4. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Bajali, kokanga mikumba na bozito mpo kotia yango na mabeka na bato. Nde bango, penza balingi, kotongola yango ata na mosapi na bango te. Quelle situation regrettable. Wana lolenge nini oya mawa. Eux-mêmes ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Ne vivent pas ce qu'ils encouragent les autres à faire. Ils sont champions pour formuler des exigences. Vous devez, frère, vous devez personne ne doit esclavagiser son frère. Nous sommes frères. Le Seigneur a dit que nous sommes frères. Il parle, nous sommes égaux, nous sommes pareils. Et c'est très important. Donc, et là, il lit des fardeaux sur des gens. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ne fût-ce que soulager un peu, aider cette personne à poser ce fardeau-là, que lui a été. Non, il ne peut pas l'aider. Lui, il est là pour dicter. Il est beau et âge. Amen. Alors, Paul n'était pas de cette catégorie. Paul a zalaki na lolenge ya bato. Le comportement des scribes et des pharisiens. Oui, il y a pharisiens. Paul s'est distingué. Paul oui, ami Kefani Faki. Paul s'est vraiment distingué. Nous lisons dans Ephésiens chapitre 2. Il dit et Frère Branham aussi s'était distingué vraiment. Oh, c'est très important. Ephésiens chapitre 2. Il dit ceci. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, verset 3, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3. Ok. Tika été moto azim de Sabino. Père Jonas, tu es où? Le titre c'est quoi? 1 Thessaloniciens. On a écrit quoi là? Lisez là-bas le titre. Zambi lilobana biso kobiangaka bato euti na libunga te soko na bosoto te soko na mayele na bete. Voilà exactement. Paul s'est distingué. Il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient de ces gens-là. Il dit, notre prédication, que ce soit moi quand je prêche, ou les frères tels, les autres frères qui sont au service de Dieu, non pas pour fondement une erreur, ni des motifs impurs, ni la fraude. Ça, ce n'était pas dans les raisons. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Quand vous me dites que la vérité, et que vous maintenez la vérité, on a dit dans la prédication, l'état présent de mon ministère, un homme reste loyal et fidèle envers la vérité, non pas dans une seule réunion un soir, tout le temps, il reste fidèle et loyal envers la vérité, il arrivera un temps où les hommes vont les quitter. On va l'abandonner. Sachez qu'il en est ainsi. Il ne faut pas être surpris. Ni étonné. La fidélité a un prix. La loyauté envers la vérité. Ça a des conséquences. Il est indexé. Insulté. T'acceptes de tous les noms. Des démons à l'antichrist. Tout ça, parce que vous êtes ferme envers la vérité. Mais ne vous découragez pas. Parce que l'Écriture a dit que la persévérance produit la victoire dans les cœurs. Qui est celui qui aime cette vérité? Que Dieu vous bénisse là. Oui, frère, persévérez. Comme a dit un certain homme, même si vous n'êtes pas seul, et qu'il n'y a personne qui vous suit ni ne vous écoute, continuez à défendre ce qui est juste. C'est votre ami. Même si vous ne vous trouvez que seul, et à côté de vous, il n'y a personne qui vous suit. Il n'y a personne qui vous suit. Il n'y a personne qui vous écoute. Défendez toujours ce qui est juste. C'est la chose à faire. Mais il y a un ami fidèle qui ne t'abandonnera pas. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ataba Bogisio. Ataba Figio. Ataba Tongi Tongi Vasiri Soloposo. Batelande Bosembo. Salakande Bolamu. Bobele Oeza Bolamu. Beyo Sala. Ma Benyoso, Nipigisa. Okolonga. Okolonga. Son frère. Il dit. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des gens, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Pas question de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Jamais on n'a eu le calcul des richesses, le calcul de l'argent. En disant de vous l'argent. Nous vos avoirs, vos richesses. Pas question. Les chrétiens doivent avoir des cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et si on a le Seigneur, là, ils verront Dieu. Ayez un cœur pur. Vous allez monter ma pète. N'y mettez pas de saleté. Verset 6. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Cette vie chrétienne que nous menons, nous ne la menons pas seulement auprès de vous, mais en présence de vous. C'est une conviction dans nos cœurs, et nous sommes ce que nous sommes partout. C'est que vous savez que nous sommes là, nous les sommes aussi envers toutes les églises. Et Dieu est témoin. Quel genre de vie chrétienne? Ce n'est pas ici à l'Assemblée, un frère ici, un frère consacré, on est surpris là-bas que dans l'autre Assemblée, on court derrière une certaine sœur, qui est sa copine. Mais dans ta propre église, tu es connu comme un frère sérieux. Ah, on est clés, j'arrive pas nous aller. Mais dans une autre Assemblée là-bas, tu es le copain d'une sœur. Et dans l'autre assemblée là-bas, tu es fiancé d'une autre sœur encore. Vous voyez les gens moins sérieux? Ça n'honore pas l'évangile. Ça. Soyez ce que vous êtes partout. Restez égal à vous-même. Oh, combien c'est triste d'avoir appris. Vous connaissez, il y avait un prédicateur qui nous avait prêché. Pendant des années, il s'était présenté comme étant le pasteur de l'Assemblée de Kamonia. C'était lui le responsable. Il a prêché pendant longtemps. Plusieurs mois. Mais comme Dieu ne dort pas, un jour, le vrai pasteur de cette assemblée nous a rendu visite. Nous sommes allés dans une convention quelque part. Voyez, les agents des ténèbres pensent avoir du succès. Mais nous l'avons le dimanche, il n'y a rien de secret qui ne doivent être. Frère, sœur, soyez honnêtes et sérieux. Et soyez les mêmes partout. Les choses cachées seront dévoilées. Il nous a trompés. Comment vous pouvez tromper toute une église? C'est un manque de considération envers lui. Il a trompé pendant plusieurs mois et des années même. Dans une compassion hier, on fait un message. Moi, le pasteur de telle église. C'est pas vous. Ils allaient bloquer. Nous étions à toi. Vous allez qui message. Où est-ce que Dieu a jamais eu des têtes pour une église? Et pas il va finir en jamais tout ni balayer pour une gomme à moko. Après, oh non. C'était ça. On demande de le frère dit, oh non. Son frère ici. Il est marié. Et Azali la mon père des enfants. Tata. Or, il voulait fiancer ma ministre dans notre église. Yalinga qui coûte pendant son séjour au Parlement. Wana Zalaki Katina. Mais marié et père des enfants. Aba le mobile fait Satan Abana. Là où il est, d'où il venait. Et pas Yuapi Aoutaki. Et son pasteur lui a obligé de récupérer sa famille. Yakozwa Libotanae. Sa famille est venue. Il botanae silikoya awa. Mes chers amis. Comment on peut faire les aventures au nom du Seigneur? Donc là où vous trouvez bien d'aller dire des mensonges, c'est seulement parmi les chrétiens. Où ne faut que les noms qui ont décidé tout le monde. C'est là où on vient faire des histoires et des aventures. Aucun péché ne restera impuni. Il y a un Dieu saint là-haut. Qui fera répondre à chacun de nous des que Dieu nous aide à être chrétiens. Quand vous voyez un frère qui vient vous aborder, sachez que dans notre église, ça ne se passe pas comme ça. C'est peut-être un faux frère. J'ai dit peut-être pour être modeste, hein. Faux frère. Azo un téléphone, abanda ko comme bloqué. Bloc. La Bible dit de donner pas accès au diable. Le micro sans gêne azo ko. Pas après l'église la mission. Yo za naïf. A ko détruire yo. A ko bébé ça yo. Bloqué numéro 1. C'est la liste noire. Amen. Nous n'avons pas de camaraderie frère et sœur. Yo kanin de ko ba si na. Nous avons brûlé. Donc, c'est comme dit, qui a-t-il entre toi et nous? Et nous qui a-t-il entre toi et moi? Yo ni nangai. Kanga numéro 1. Il faut discipliner les indisciplinés. Oh, pasteur, yo za kanda, hein? Yo ne wa kanda. Wale mi salamabe, ou li mo salam salamabe, ne kati glisa zambé. Aussi la Sony, aux âmes à Béo. Donc, il ne faut pas être faux frère. Nous devons craindre Dieu et être correct. On n'entre pas dans une bergerie par la fenêtre. Ce sont les brigands qui escaladent par les portes. Aimés par la porte. Et à la porte, c'était le berger. Yo berger o limone o lugen ka o diembe la o kuta na klostra o bana ko donger ser o tala ye o azo salami no yo za mutu ya bien ti na ko pese confiance bien yo o frère la modèle wana no frère nous devons être sérieux c'est des anayangi non et vous ser soyez éveillés bino bande ko basi. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent du diable la mission de tester les serres. C'est le même là qui vient là, vous dit, mais soyez jamais naïf. Soyez éveillés. Les disciples de la parole doivent être vigilants. C'est amen. Oh, même à toi, le bien manité, ça n'a pas vérité. Oh. Donc, on a une qualité, parce que le bien manité. N'a pas le bango kaka. Ça, c'est la vérité. Moukolo, moko yonde, vous comprendre. Parce qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Toyokani? Je vois, il y a des filles de Dieu dans l'église ici, hein. téléphone occasion masumu masumu ya bo pété pété facile facile kaka ndenge wana yo a commission yo sert passoir aborda kayo na minuit aborda ko na 4h du matin denga lingi atinde ka baisha mais ndenga ko linga ko makabuzo ba n'importe quoi yo peso tika kaka arrêtez ça Vous devez avoir du caractère. Vous faire respecter. Pour Allah, pas à mes gars souter. Tu as rien pour ça dans l'église, tu es boka makamona zambé. Pour le qui vit éternel, il faut qu'on plaire dans zambé. Alors, nous n'avons point cherché la gloire divine des hommes, ni de vous, ni des autres. Mais nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Si j'étais des esclavagistes, nous sommes serviteurs de Dieu. Allez, sœur Moko na Moko, il faut chaque jour de la semaine, sœur Moko, vous pouvez pas n'a. C'est quoi ça? Oh, le coup, ne va pas dans Zambé. Il faut relire ça va faire dans Zambé. Au contraire, regardez, le verset 5. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'il nourrisse, prend un tendre soin de ses enfants. Quand c'est au commis, bah, tu n'as pas l'aimé, n'a qu'à t'y n'a bien, t'es la moko, maman, oh, a jali, kobokola, bana, na yé, pinza. Verset 8. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Tant vous nous étiez devenus chers. Voilà le service qui va. Voilà, ce n'est pas devenir dépouiller les enfants de Dieu. Profiter des enfants de Dieu. Mais c'est devenir leur donner le meilleur. La parole sur parole. Et plus que la parole elle-même, même nos propres vies, nous vous les donnons. Il est possible de te donner ma vie. C'est que tu vives comme je vis ici. De la vie chrétienne que je prêche. Mon frère, soeur, je serai heureux. Vous entendez? Ce n'est pas de profiter de vous. De faire des calculs. Faites que bon provision égale. Alors on a bon provision, on a part dans le pays. Nous aussi la calcul est dans poche à badinga. Oyebi secret à poche ouana. Mais quand ça la calcul, on a bon y a provision. Donc la somme frigo, c'est que bon provision égale. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne faites pas de calcul sur un frère. Priez Dieu. Amen. Le Dieu de la veuve ne s'arrête là. Il est encore vivant. C'est lui qui a fait pleuvoir la main au désert. Il a nourri un peuple affamé. Il a abreuvé un peuple assoiffé. Il a marié aujourd'hui éternel. Le Dieu qui répond aux prières d'un cœur sincère. Il existe encore. Il a conduit Branham à la chasse. Il a donné des gibiers. Et quand il n'y en avait pas, il a créé même les secrets. Dieu est Jéhovah Jireh. Dieu qui pourvoit tous les besoins. Il est le créateur, je le crois. Et mon âme le croit. Voyez frère, nous donnons nos vies pour nos frères. Vivons les uns pour les autres. Mais ayant foi dans le Dieu providentiel. Béni soit son nom. Bonne persévérance dans la foi. Alors, je disais que nous devons garder l'évangile et le message et même la promotion de frère Branham dans les termes dans lesquels elle nous a été enseignée. Êtes-vous là? Nous avons le message officiel. Il est enregistré sur les bandes magnétiques. Mais je vais vous montrer quelque chose ici. Dans ce message officiel. Regardez, je vais comparer juste deux versions. Prédication qui a été traduite diversement. Alors, dans messieurs, est-ce le signe de la croix? Je vais lire la traduction de la voix de Dieu. Et après la traduction de Suisse. Prêché le 30 décembre 1960. Dit quand cet ange là, je suppose qu'à part ma femme, il y a ici ce soir des gens qui étaient là. Il y a 30 ans, lorsque cela est défendu. Y a-t-il dans l'auditoire maintenant quelqu'un qui se trouvait là? Dit à part ma femme. Elle était témoin, vous le savez. Sœur Meda était là. Elle était toute jeune fille là. Alors, y a-t-il dans l'auditoire maintenant quelqu'un qui s'est trouvé là? Lorsque l'ange du Seigneur est descendu à la rivière, la première fois devant les gens, levez la main. Oui, voilà, voyez. Eh bien, je vois que Madame Wilson a levé la main. À la sœur Meda. Madame Wilson, elle se trouvait là. Les couples Wilson étaient déjà dans la 80aine. Hein? Quand frère Brenham parlait, c'était un vieux couple. Madame Wilson, frère, la sœur Wilson. Elle s'est trouvée là. Et voilà ma femme, elle s'est trouvée aussi là. Et je ne sais pas qui sont les autres qui se trouvaient là, sur la rive. Il y a sœur Meda qui avait levé la main. Il y a sœur Wilson aussi qui avait levé la main. Devant beaucoup, beaucoup de gens. Lorsque j'ai baptisé à 14h l'après-midi. Et que directement des cieux d'Arin. Alors qu'il n'avait pas plu pendant des semaines. Il est venu là. Mugissant. Et il a dit, la commission, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, tu es envoyé avec un message comme précurseur de la seconde venue. Bien traduit. Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message comme précurseur de la seconde venue de Christ. En lisant ça comme ça, ça vous donne la nette impression que frère Branham était le précurseur de la seconde venue de Christ. Et c'est la seule citation, dans toutes les citations auxquelles frère Branham se réfère à cette première commission, prédication que certains frères ont presque dogmatisé à cause d'une certaine tendance doctrinale. Donc, dans le milieu du message, il y a plusieurs frères qui ont fait de cette prédication ici un dogme. Et ils ont pris les citations qu'il y a là-bas pour en faire des déformations, des questions, là où on peut poser des questions. Ce sont des affirmations voilées. Ils ont mis beaucoup de dégâts avec ce sermon. Avec ce seul sermon. Maintenant, voilà que c'est dans ce sermon aussi où la commission est rendue en cet âge. Si vous n'avez pas l'esprit chrétien de comparer la vérité à la vérité pour voir comment est-ce que frère Branham présente cette commission partout d'ailleurs et que vous ne vous appuyez que sur cette seule traduction, vous allez fonder une doctrine qui n'est pas et que le reste des citations va démentir. La vérité ne s'appuie pas sur un seul témoignage, elle s'établit sur deux ou trois témoignages. Amen. Amen. Mais ici, c'est l'unique endroit où vous voyez la commission être déclarée en disant il est envoyé comme précurseur. Auparavant, 38, je l'ai dit 36, je maintenant 38, première partie. Beaucoup d'hommes d'affaires de la ville se traînaient là sur la rive et ils me demandaient ce que cela signifie. Et je dis, ce n'était pas pour moi, mais pour vous. Moi, je crois. Et il s'en alla. Et lorsque cet ange est parti, nous l'avons vu. Si vous vous en souvenez, il est monté en direction de l'ouest. Il passa juste au-dessus du sommet des ponts et à la fin de l'ouest. Je crois que cet extrait, on l'a lu jeudi passé. Au culte d'adoration. N'est-ce pas? La direction que l'ange avait. L'ange descendant et repartant vers l'ouest. Ok. Maintenant, dans la traduction de Suisse. Paragraphe 65, donc c'est un peu différent. C'est la même prédication que j'ai intitulée Monsieur Esseler. Ah bah, on a traduit par Monsieur Esseler, signe de la fin. Mais ici en Suisse, c'est Monsieur Esseler. Mais c'est la même prédication, prêchée le même jour. Le 30 décembre 1962. Alors, au paragraphe 65, quand cet ange descendit, je suppose qu'à part ma femme, il y a ici ce soir des gens qui viennent depuis 30 ans, et qui étaient tout près quand cela descendit. Y a-t-il maintenant quelqu'un dans cet auditoire qui était présent quand l'ange du Seigneur descendit à bord de la rivière devant les gens? Jusque là, ça va parallèlement. Veuillez bon. Lever la main. Oui, en voilà. Je vois Madame Wilson qui est là. Elle était là. Ma femme aussi y était. Et je ne connais pas tous ceux qui se tenaient au bord de la rivière. Devant de très nombreuses personnes. Quand j'étais en train de baptiser à 2h de l'après-midi. Tout à coup, de ce sel de rang. Il n'avait pas plu depuis une semaine. Il descendit un fort grondement. Il descendit un fort grondement. Il dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Ici, le mot précurseur est absent. Vous entendez? Les frères de Suisse traduisent. Ils n'ont pas repris les mots précurseurs. Ceux de la voix de l'Esprit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message comme précurseur. Toi, tu es envoyé comme précurseur. Voilà. Déjà, en traduisant différemment, ici, le mot précurseur ne s'invite pas au débat. Il est parlé de Frère Branham qui est envoyé, mais avec un message, pour préparer la seconde venue de Christ. Maintenant, il y avait un commentaire que le frère Peregrine a eu à faire. Je vais retourner dans son livre, Les Actes des Prophètes. Dans les actes du prophète, il commande la commission comme ça. Et il reprend d'abord la commission. Il dit, exactement comme Paul sur le chemin de Damas, distinct de la lumière, une voix se fit entendre à notre frère Branham. Voilà. Il dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue du Seigneur, de même tu es envoyé pour annoncer sa seconde. Il reprend la commission. Il reprend la commission. Il produit la commission. Dans son propre livre, les actes des prophètes. Notre frère Pellegrin, parmi les anciens de son message. Le mot précurseur non plus. N'y est pas, n'est-ce pas? Ça, c'est dans son livre même. Il reproduit ça de cette manière. Comme Jean-Baptiste est envoyé pour annoncer la première venue de Christ. Du Seigneur. Même tu es envoyé pour annoncer sa seconde venue. Suivez maintenant son commentaire. Et c'est là qu'on peut facilement dérailler. Parce qu'il en donne même plusieurs preuves. Il peut y avoir conflit dans la pensée de certains qui ont lu ou qui m'ont entendu parler de Christ. Ils comprendront que la parole a dit ton message annoncera sa seconde venue. Donc, la remarque qu'il formule, c'est en direction de ceux qui pourraient comprendre à travers la commission que c'est le message qui prépare la séparation. La manière dont il aborde ça, en fait, pour corriger cet entendement-là, comme serait erroné. Et pourtant, c'est ce que le message officiel enseigne. Mes chers amis, Ève, pour amener la mort et les cimetières tout soumettre. Ce n'est pas le paragraphe entier. Un seul mot de la parole. Mal expliqué, mal placé. Tout était gâché. Conservons la vérité. Maintenons la vérité sur la commission. Nous disons amen. D'abord la date a été prouvé erroné pendant des décennies où nos vieux ici nous ont enseigné que c'est le temps du jour. Nous-mêmes, nous sommes allés dedans, on a dit la même chose. Vous voyez, il y a une différence entre dire ou répéter quelque chose que nous avons et enseigner là-dessus. C'est ma première fois d'enseigner sur la commission des gens. Ces années de ministère, j'en parlais en passant. Et là, c'est dans un rythme où tout ça, nous connaissons comme étant une vérité. Mais voilà, pour la première fois que je parle, voilà ce qui ressort maintenant. Ce n'était pas le 11 juin, mais le 18 juin. Et c'est ce que le prophète lui-même dit. Et Dieu nous aide. Maintenant, regardez maintenant dans l'examen profond de cette commission. Or, il peut y avoir conflit dans la pensée de certains. Tu lis bien, tu lis bien, tu reproduis bien la commission comme elle devait être. Mais tu veux glisser maintenant une opinion, une explication personnelle, des remarques et donner des preuves. Alors, parce que ça a été lu, ça continue à être lu dans le monde. Comme une grande référence, parce que le frère Pellegrin n'est pas là. C'est un grand temps. Maintenant, son livre, c'est une référence. C'est un contemporain du prophète. Il ne peut pas nous mentir. Écoutez maintenant. Et il peut y avoir un conflit dans la pensée de certains qui ont les ceci, qui m'ont entendu parler de ceci, et qui comprendront que la parole a dit, ton message annoncera sa seconde venue. Suivez maintenant, le glissement va venir. Mais comment peut-il y avoir message s'il n'y a pas de message? La réflexion correcte, non? Mais c'est le début du déraillement. Il voir le début du déraillement. Effectivement, il ne peut pas y avoir de message sans messager. Et Dieu qui savait qu'il a désigné un messager, il a parlé de la manière dont il a parlé là. Que notre frère reproduit fidèlement là. Gardez ça comme ça. Dieu sait ce qu'il pense. Qu'est-ce que tu dis? Dieu pense ce qu'il dit. Quand il parle, il a déjà tout réfléchi. Et il parle de manière à ce que je sois férié. Donc, tous les critiques, hein, mais comment y aura-t-il? Peut-il y avoir un message s'il n'y a pas de message? Alors, si Dieu envoie un message, alors il y a message et le message est le messager. Il est là, sango, sango, que ce qui Nzambe a dit, c'est que sango ezali, pe sango yangonde momemi sango. Vous entendez? Ça, c'est lui qui écrit. Hein? Et beaucoup de frères, des pasteurs, des ministres, lisent ça. Ils prennent ça comme des méditations. Et ils vont répéter ça auprès des fidèles. Mais ce n'est pas Frère Branham qui dit ça. En accord avec la commission. Vous avez suivi ses commentaires sur la commission. Le genre de commentaires n'a pas été greffé là-bas. Ça, c'est quelque chose qui est pris dans un autre contexte. Oui, et que l'on vient appliquer à la commission. Pour dire que le message est le messager. Mais si c'est ça en accord avec cette commission, maintenant que le messager n'est plus parmi nous, n'est-ce pas que c'est vrai aussi que le message ne doit plus être parmi nous? Si nous nous réfléchissons comme alors, nous voulons aboutir à quoi avec ça? Mais là que le messager, le Seigneur l'a retiré, c'est alors le message aussi qui est le messager, voilà. Sinon, ça devient une confusion que vous êtes en train de faire. Que Dieu nous aide à maintenir la vérité. Vous voyez que c'est un combat sérieux. Et ici, on ne parle pas de n'importe qui. C'est des femmes qui ont sillonné le monde pour Mais regardez ce qu'ils écrivent. Et maintenant, quand les gens du monde nous lisent, ils commencent à nous attaquer. Ils nous sont de moins sérieux. Mais c'est encore des choses comme ça. Les vous allez les condamner comment? Pendant que nous-mêmes, nous devenons fautifs. Que Dieu ait pitié de nous. Ça peut paraître dur, mais nous devons être sérieux. Nous ne cherchons pas à flatter les hommes, ni à faveur des gens. Nous devons dire la vérité. Et le messager doit annoncer la seconde venue de Jésus-Christ. C'est une bonne philosophie qu'il fait. Donc, le message est le messager, et le messager doit annoncer la seconde venue. Alors, pour ceux qui voudraient connaître, comme preuve, la propre déclaration de Frère Branham, il fit demander Frère Branham, l'avoir a-t-elle dit que vous ou votre message serait l'avant-coureur de la seconde venue? Suivez. Il l'a fait sculpter dans la porte de sa nouvelle maison. À l'intérieur. Sur un rouleau. Tu seras le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Ça, c'est le témoignage de Frère Pirigou. Au nom de Frère Branham. Je souligne ici que ce n'est pas Frère Branham qui l'a dit dans une citation. Ça, c'est ce que lui nous dit pour donner preuve à son raisonnement. Nous allons savoir ça comme cela, à titre de forme. Il a fait sculpter ça dans la porte de sa nouvelle maison, à l'intérieur, sur un rouleau. Il sera le précurseur de la seconde venue. Alors maintenant il change, il dit exactement ces mots. Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue. Là, le mot Seigneur disparaît déjà. De même, tu es envoyé comme précurseur de la seconde venue. Dans cette commission modifiée, le mot Christ, pour Seigneur, sont omis. Mais on insiste seulement sur le précurseur. C'est déjà une modification dans son propre livre. Il faut suivre la parole mot à mot. Si les gens peuvent croire que Dieu lui-même s'est révélé à l'apôtre Paul dans une colonne de Paul, qu'est-ce qui pourrait empêcher les gens de croire que Dieu peut encore le faire et qu'il l'a fait une fois de plus au XXe siècle? Alors, quand Frère Branham commença son ministère public, à de nombreux endroits, les gens se levaient et parlaient en langue, les autres interprétaient, et ils répétaient ces mots. Oui. Le témoignage de parler en langue avec des interprètes en divers lieux. Il disait, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, ainsi je t'envoie, toi mon serviteur, comme avant-coureur de ma seconde venue. Témoignage des interprétations de langue. Dans la ville de San Antonio, Texas, il y a des gens que je connais personnellement et qui ont été employés par Dieu pour apporter eux-mêmes ces paroles. Et aujourd'hui, ils nieront que notre frère Branham ait été le précurseur de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore un drame. La ville là de San Antonio, nous connaissait des gens que Dieu avait utilisés pour apporter ces paroles donc d'interprétation de l'âme. Frère Branham est appelé comme avant-coureur de la seconde venue du Seigneur. Mais aujourd'hui, ces gens-là nieraient ça. Mais Dieu les avait utilisés. Dieu les avait utilisés et puis les mêmes gens nient ça. Est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en ce que Dieu leur a dit? Il y a 20 ans, est-ce que maintenant leur théologie est venue et qu'ils ont essayé de changer cela eux-mêmes? Si Dieu a envoyé cet homme pour annoncer sa seconde venue, avec l'esprit de vie, pour corriger ces choses qui ont glissé dans la tradition et se sont éloignés de la parole de Dieu, si Dieu a gardé sa parole pour cet homme, toutes les fois qu'il a dit ainsi dit le Seigneur, alors nous devrions aussi écouter sa doctrine. Ça, c'est la conclusion de la pensée. Maintenant, vous voyez, le frère Pilgrim avec toute l'audience qui peut être derrière lui. Et des frères qui sont tentés à répéter ça avec sans examiner parce qu'ils voient. Si nous devons écouter la propre doctrine de frère Branham, est-ce qu'il a dit que c'est lui qui était le précurseur? Est-ce en ces termes-là qu'il nous a enseigné sur le plan? Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand il donne son propre témoignage, ici dans les sermons, le témoignage de William Branham, vous le savez, nous l'avons lu ici, et je vais le lire ici à titre de rappel. La mise au point capitale dans les bandes. Et nous ne devons répéter que ce que disent les bandes. Répétez que ce que disent les bandes. Alors, que dit-il là-bas? Oh, miséricorde. Nous allons lire ce qu'il a dit dans le sermon, le témoignage de William Branham. Laissez-moi retrouver ça rapidement ici. Le témoignage de William Branham. William Branham. Son propre témoignage. Oh, ça me paraît plus loin. Je vais retrouver quand même par la grâce de Dieu. Oh oui. Témoignage de William Branham. Oui, s'il vous plaît. Je retrouve carrément la brochure elle-même. Ok. Nous allons au paragraphe 8. Dit ceci. Environ deux semaines plus tard, j'ai joué au bill avec mon frère. Il lève les yeux en haut. Le temps était sec, ok? Le temps était sec et il n'avait pas plu depuis deux ou trois semaines. Les gens priaient pour qu'il pleuve. Et pendant que j'ai baptisé la 17e personne, qui s'était converti, j'ai entendu une voix dire, lève les yeux. Et cela m'a effrayé. Je n'étais qu'un jeune garçon. Et la fille que j'ai épousée plus tard prenait des photos sur la rive. J'ai encore entendu cela dire, lève les yeux. Et j'ai eu peur de lever les yeux. Tout le monde sur la rive s'est demandé pourquoi j'hésitais. Beaucoup de gens sur la rive de la rivière, des reporters de journaux, et alors il a dit, lève les yeux. J'ai levé les yeux. Et comme je levais les yeux, voici venir cette lumière qui descendait. Les gens ont commencé à s'évanouir, à tomber, et une voix a retenti. Et voilà tous les alentours, de l'endroit 10 ans. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Non pas le messager que tu es. Mais Ali, mon ami Sangote, sera le précurseur. Mais le message qui t'a été confié sera le précurseur. C'est la seconde venue de Christ. Il commente maintenant. Non pas que je serai un précurseur, mais que le message était le précurseur. Quand il fait la mise au point et corrige, et que c'est ce que disent les banques. Alors, qui d'autre va commenter en sens divers pour que nous puissions suivre des philosophies? Non. Nous gardons le message. Je ne connais pas plus que quiconque d'autre. C'est de Christ que nous parlons. Bien aimé, pourquoi le Seigneur m'a ramené encore pour faire cette mise au point? C'est parce que c'est de cette interprétation erronée de la finition que est née notamment la fausse doctrine de Jésus-Christ déjà revenue. Ils ont dit Dieu ne pouvait pas avoir menti. Comme Dieu avait fait de Frère Branham le précurseur, alors le précurseur ne pouvait pas mourir sans que Jésus ne soit venu. Donc la venue du Seigneur devait avoir lieu pendant que le précurseur était en vie. C'est une fausse doctrine. Ce n'est pas notre message. Le message lui-même est le précurseur. C'est lui qui prépare le retour de Dieu. Si le messager est parti, il nous avait prévenu. Dans la prédication, tournez le regard de Dieu. Même si quelque chose m'arrivait, mais le message ira de la fin. C'est le message qui présentera Jésus-Christ au monde. Que ceci aide tout le monde. Ceux qui sont tentés par les fausses doctrines, s'il vous plaît, revenez. S'il vous plaît, revenez. Quittez ces faussetés-là. Vous ne vous souillez pour rien. Revenez à la vérité. C'est très important. Et que Dieu aide chacun de nous à retenir la vérité, à soutenir la vérité et à maintenir la vérité. J'ai dit retenir, soutenir et maintenir. Voulez-vous le faire? La commission que le Seigneur a donnée est claire. Alors, précieux pasteur, une question m'a posée. Le Branham lui-même n'a-t-il jamais dit que le message et le messager étaient un? Je l'ai dit en passant qu'on a pris une affirmation vraie qui était donnée dans un autre contexte pour venir l'appliquer à la commission. Et en faisant ça, c'est un mélange. Et le mélange détruit. Nous voulons la pure vérité. Et dans son contexte, dans la prédication, nourriture spirituelle, au sein de Branham, que Frère Branham avait basé sur l'écriture de un roi chapitre 17, le verset 1 à 3 ou à 4, c'est le texte biblique qu'il avait lu, dit c'est un sermon intitulé la nourriture spirituelle au temps convenant. C'est dans ce sermon-là que le Bonhomme dit que le messager et le message sont un. Élie était un avec son message. Le prophète, chaque prophète était un avec son message. Dans ce contexte, voyez, il n'était pas en train de parler de sa commission. Quand il commence lui-même sa commission, il n'a jamais dit en accord avec sa commission que le message et le messager sont un. C'est lui qui est venu dire que le message et le messager sont un. En accord avec la commission, ce n'est pas Frère Branham, c'est un prédicateur du message. Alors, nous n'avons pas répété ce que le prédicateur a dit. Nous allons répéter ce que les bandes disent. Les bandes sont claires. Non pas lui, Branham. Le précurseur. Mais c'est le message qui prépare. Alors, avec ça, vous savez que le messager est parti. On ne tourne pas la page. Nous avons le message. Et le message nous conduira jusqu'à l'enlèvement. Le programme de Dieu est déjà clairement tracé. Il n'y a rien qui va déranger personne. Que Dieu soit béni. Vous voyez même quand Dieu appelait Moïse. Avez-vous un passage biblique qui dit que Moïse devait faire entrer Israël dans la terre promise? Et pourtant, dans la théologie, ça se raconte comme ça. On zamba le baki, Moïse a kokoti sa bana Israël na Kana. Mais le kola sa gili soumou, zamba ebisye, et kosalme sou bongote, ou kokoufa na esobe. C'est faux? Dans la Bible, Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir Israël. Point barre. La mission, c'était faire sortir. Jamais Dieu ne lui avait dit qu'il ne le ferait pas. Voilà pourquoi nous insistons sur la commission. Dieu veille à ce qu'il dit. Il n'a pas donné un travail, il n'a fait rien à l'heure. Il pèse ses mots, notre Dieu. Quand il va dire ceci, il voit déjà la fin. Il savait que Moïse n'allait pas aller. Alors dès le départ, en formulant sa mission, il t'envoie pour que tu fasses sortir mon peuple. C'est tout. A-t-il fait sortir? Oui. A-t-il confirmé la commission? Oui. A-t-il fait entrer? Non. Et au moment venu, nous a dit seulement Moïse, ce ne sera pas toi qui le feras entrer. Et Josué le fera entrer. C'est tout. Moïse pouvait espérer qu'il va le faire. Non, c'est il n'y avait rien pour soutenir ça. Dans les paroles même disaient, il n'y avait rien. Pour soutenir une telle thèse. Pour la cause de la cime, elle est capable de le faire. Le faire par Moïse. Il était libre de le faire. Tellement, il a choisi Josué. Et c'est lui qui les a fait. il dit Amen. Et au sujet de l'entrée dans ce pays de promesse, reprenons dans le sermon, je serai avec toi comme j'étais avec toi. Il a rappelé ça à l'église. Il dit que les dénominations des églises ont échoué, comme Moïse. Autrefois, bah, ce n'est pas eux, elles qui feront entrer l'église dans le pays promis. Mais Dieu suscitera un Éphésien. Il suscitera un autre Éphésien qui ne sera attaché à rien par le lien de la dénomination. Mais ce ministère d'Éphésien qui amènera l'église au pays promis. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Nous sommes dans l'âge des Éphésiens. Vous allez faire le cours des Éphésiens. Le messager peut être parti, mais les Éphésiens feront entrer. Le message, il est dit déjà. Donc, si quelqu'un se lève, il commence à vous dire, mais les Éphésiens quatre. Eh oui, dites-lui, calme-toi. Écoute bien les bandes. Tu dis bien qu'on doit écouter les bandes. Ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur les têtes. Appuyez seulement sur le bouton play. Beta, beta. Ou tout ce que vous devez faire, c'est appuyer sur le bouton play. C'est quelle doctrine? Non. Dieu suscitera des Éphésiens. Et ces Éphésiens feront entrer l'église. C'est déjà prononcé. Et ça ne faillira pas. Alors, dans les questions-réponses sur le Seigneur, on a posé la question à Frère. Est-ce que l'épouse de Christ a-t-elle un ministère en stage? Frère Branham dit, l'épouse de Christ, oui, elle a un ministère. C'est le ministère de cette heure. Il consiste en apôtre pluriel, en prophète pluriel, en évangéliste pluriel, en pasteur pluriel, en docteur pluriel. C'est le ministère de l'épouse. Il sera très humble. Or, quand vous lisez la réponse, c'est actuellement Éphésiens 4:11. Abraham attribue à l'épouse de Christ. C'est ça le ministère de l'heure. Et c'est ce qui fera entrer l'église. Nous aimons la vérité. Nous soutiendrons la vérité. Nous la maintiendrons par la grâce. Aimer la vérité. Kulinga solo. Soutenir la vérité. Kuzana ngambo ya solo. Retenir la vérité. Kusimba solo. Et maintenir la vérité. Kuzandi sa solo. Quand il y a des vagues et des vagues. Kuzana ngambonge, kuzana ngambonge. Malembe. Réécoutez bien les bandes. Kuzana ngambonge, kuzana ngambonge. Mitaba. Vous n'avez pas tout écouté. Il y a une partie que vous avez oubliée. Cette partie dit les Éphésiens. Ne venez pas cracher sur les Éphésiens. Mais venez honorer les Éphésiens. Parce que c'est leur temps maintenant. Dans les programmes de Dieu, c'est leur temps. Maintenant, ceux qui suivent frère Joseph, font de lui la double portion. En s'appuyant sur la prière du prophète. Le prophète avait prié, Seigneur, je prie que tu donnes à mon fils une double portion de l'esprit qui a suivi moi. Une double portion de l'esprit qui a suivi moi. Allez, mais Dieu a promis d'exaucer les prières. La prière, Dieu ne pouvait pas ne pas exaucer. Mais Abraham avait aussi prié que son fils Billy Paul soit servi. Il avait aussi prié comme ça. Et après il a dit, il a regardé Billy Paul, il n'y a pas l'appel de Dieu en lui. Dieu ne l'a pas appelé au ministère. Vous comprenez? Sosoli. Vous avez écouté, écoutez encore. N'écoutez pas une partie pour soutenir. Écoutez encore le reste. Prenez le tout comparé. Retenir la vie. L'écriture a dit, examinez tout ça. Et retenez ce qui est bon. Vous ne prenez pas un bout ici. Vous allez dandiner avec vous. Non, frère. Vous allez solo. Prenez le tout. Vous et retenez ce qui est vrai. Ce qui est conforme au passage. Alors ceux-là, Bahouana, qui suivent frère, notre frère Joseph, Joseph il crache sur les Éphésiens 4. En disant, ils n'ont rien à faire. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est appuyer sur play. Non, ce sont les Éphésiens 4. Vous pouvez faire de nous des perroquets. Comme ça, dit, le message est une vie. Chacun, amis, vivifie la parole. Vous allez les différents ministères. Gloire au Seigneur. Kembo na kolo. Même si on nous crache dessus, nous ne pouvons pas plaire aux hommes. Nous ferons le travail que Dieu nous a confié. Et il y aura des enfants de Dieu pour écouter. Maintenant, il y a des autres qui suivent notre frère. Ils font de lui le pape du message. Pour eux, ce que les prédicateurs doivent faire, c'est de mettre la position de Creffel. Les uns disent appuyez sur le play, les autres n'ont rien à faire, et les autres viennent vous dire oh non, vous devez seulement mettre la connexion. C'est le seulement ce que dit frère Franck. Parce que lui, la nourriture, lui, il puise dans les prophètes, et nous, nous allons puiser chez lui. Vous allez puiser pas chez lui. Qui distribue la nourriture, vous allez puiser chez lui, vous puisez, et vous mettez la connexion. C'est bon, c'est bon, ça que fait du moi. Et si vous ne mettez pas la connexion, alors les autres disent, si vous ne mettez pas les bandes de play dans votre assemblée, il faut faire jouer les bandes de prophètes. Si vous ne mettez pas les bandes, vous n'êtes pas les pousses. Alors une église comme la nôtre, donc vous allez chez les Josephistes, elle n'est pas l'épouse de Christ. On vous dira pourquoi. Parce qu'elle n'aimait pas les bandes du prophète. Il faut qu'il y ait un programme où on met les bandes. Il faut seulement écouter frère Branham. Il faut écouter la voix de frère Branham. Maintenant, une église comme la nôtre, vous allez chez les franquistes, elle ne peut pas être l'église de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on ne met pas la connexion à la fin du mois. On écoute frère Frank lui-même. Alors nous cherchons à plaire aux hommes. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas un système qui doit nous conduire. Mais c'est l'Esprit de Saint-Esprit. Si Dieu fait une chose, il la fera. Mais nous ne sommes pas dans une mouvance. Dans un folklore. Nous voulons être libres. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté de la vie. Personne ne doit esclavagiser ce monde. À servir qui que ce soit. Voilà, vous voyez les serviteurs là, oui, qui est au-dessus, oui, qui est au-dessus de, oui, qui est établi au-dessus, oui, c'est pas dessus, oui, c'est au-dessus, ça veut dire supérieur, oui, de l'autorité, oui, de la philosophie. Voilà, rien à voir avec le message. Voilà, votre vie est-elle digne de l'évangile? Après tous ces bruits que vous faites là. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Plusieurs sont des buveurs de whisky. Ils prennent les ododo. Et puis ils viennent parler du message. Nous n'avons pas de temps à perdre. Préparons-nous, Jésus revient. Il faut une position équilibrée. Nous sommes frères. Dites à ces gens-là, nous sommes frères. Ne commentez pas des choses qui divisent les frères. Au nom des autres serviteurs, nous sommes frères, soyons chrétiens. Et Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout pour la prière maintenant. Cantique Hosanna numéro 170. Je suis sur la page 60. Entends-tu Jésus t'appelle? Viens, ô pécheur, il t'attend. À cette voix, à cette voix si fidèle. Ton âme est heureuse et ça se voit. Allez, sans qu'il est, quand tu es le roi des gloires. Ouvre Jésus, oh, fais ton cœur à Jésus. Et sans qu'il est, sans que le roi des gloires. N'est pas de plus, oh les sanctes, sanctes les rois des gloires, oh oh oh, mais ton cœur à Jésus, et sanctes les rois des gloires, il est le même pécan, n'est pas de plus. Pour le monde, tu trouves, place dans ton cœur. Ouais, pour les sauveurs du monde, viens pour l'homme de douleur. Pour les sanctés, les rois des gloires. prions chacun maintenant. Laissons Jésus trouver la place dans le cœur. Et son message être vivifié par le Saint-Esprit. Que Dieu prenne soin de ton âme. Pour retenir la vérité. Soutenir la vérité. Et maintenir la vérité. Prions chacun. Toi-même conduis-le, Seigneur, voici ton peuple. Toi-même conduis-le, Seigneur. Toi-même conduis-le, Seigneur, voici ton peuple. Toi-même conduis-le, Jésus, voici ton peuple. Que tu as donné à nos cœurs de communier autour de la vérité et aussi de te parler ensemble comme un seul homme convaincu que l'évangile est la vérité que nous devons retenir que nous devons soutenir que nous devons maintenir. C'est toute une bataille. La parole doit être gardée dans les termes mêmes avec lequel il a été passé. Et nous ne devons pas être emportés loin de lui. Garde mon frère proche de la vérité par la vérité. Garde ma soeur proche de la vérité par la vérité. Nous voulons vaincre. Nous voulons hériter ton royaume. Nous voulons garder tes règles. Oh Seigneur, manifeste la liberté des enfants de Dieu. Et que toute la nature y ait part. Véritables enfants de Dieu. Jouissant de la liberté en leur Dieu. Confirme le Seigneur. Accorde-nous ce privilège au temps de la fin. Et distingue-nous. Par la vie de la parole, nous voulons être conformes à l'Évangile. Être agréable à toi, Dieu. Les hommes sont changeants. Ils sont faillibles. Leurs opinions sont variables. Ta parole est immuable. Nous voulons que ta parole nous approuve. Que ta parole nous identifie. Que ta parole nous reconnaisse. Et ce sera un succès. tiens auprès de toi. Si nos oreilles aux critiques, bombardent les gens. Au contraire, sans fondement. Mais nous voulons maintenir la vérité. Nous ne voulons pas maintenir un homme ou un système. Mais notre désir et la passion de notre cœur et la vérité du Dieu vivant, laisse qu'elle puisse prospérer parmi nous, qu'elle soit maintenue parmi nous, soit soutenu parmi nous, soit retenu dans nos cœurs. Aide chacun de nous à y parvenir. Grâce à toi seul, nous pouvons vaincre. En toi, Seigneur, nous ferons rien. Nous échouerons lamentablement. Mais nous avons un Jésus, un Dieu, sur qui nous comptons et avec qui nous comptons notre gloire. Et nous sommes les prières de ton Église, de nos frères ici et ailleurs, que chacun de nous soit agréé de toi, pour marcher dans le Saint-Esprit de vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Kukuvanda. Et que Dieu vous bénisse. Zambia Pambola Bino.